Il jouait avec lui. 1. Nous allions à la mer. 2. Elle n'aime pas le sport. 3. Il voyage seul. 4. Ils habitaient ensemble. 5. Vous adoriez la musique. 6. Il dormait beaucoup. 7. Vous sortez tard.